couilles. On s'en bat les couilles, couilles. On s'en bat les, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, couilles. On s'en bat les, s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, couilles. On s'en bat les, s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, couilles. Je m'en bats les couilles, mon pote. Moi je pèse sans capote. Mon cerveau de la compote, je décape le mic comme elle capote. Cousine, arrête de dire que je t'excite. Je m'en bats les couilles, que tu veux le sucer ma bite. Si tu cherches un chaud lapin, 4G rapide. Et surtout, ne viens pas me parler de shit. Je m'en bats les couilles d'être au chômage. Le taf à mon âge, un mirage. Payer de la merde pour du ménage. Et qui a dit que j'étais un mec sage? Je m'en bats les couilles de voter. Voter pour qui, pourquoi, quand personne peut me représenter. Je m'en bats les couilles de la télé, y'a que de la merde. Les films de boules côtoient les tournois d'échecs. Même le voteur ne m'intéresse pas. Ça vous fait kiffer, cracher sur la France d'en bas. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, couilles. On s'en bat les, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, couilles. On s'en bat les, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, couilles. On s'en bat les, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, couilles. Ouais, on s'en bat les. Si je m'en bats les couilles, c'est à force de me prendre des douilles par ce monde, par ces blondes, par ces cons, mais par les thunes, mais par les thunes. J'expire la haine à travers ma plume. Même si t'es pas content, tu sais où tu peux te foutre en rancune. Rien à bas de l'amour, c'est quelque chose d'inventé. Mais moi je pensais l'avoir trouvé, mais celle-ci s'est sauvée. Rien à foutre des préjugés, d'être enfermé, d'être 100 fois mieux. Je suis comme je suis et c'est ce que je suis de mieux. Je me fous de savoir si tu m'aimes ou pas. Je me fous de savoir où sont les carpas. Rien à branler, des meufs accompagnées, mal satisfaites. Le passé est le passé, mais j'en ai rien à battre. Tout peut changer, un verre de sky, un joint et tout est oublié. Dans ma tête c'est la merde, je craque. Dans mes rêves tout crame. Les photos, les moments, les paroles. Rien à battre, rien à battre, rien à battre. On s'en bat les couilles. On s'en bat.